Préface de la vie de Sainte Thérèse de Jésus, d'Avila, par Monsieur de Villefort. Marquemdanarchive.org d'après le PDF de l'abbaye Saint-Benoît.ch, œuvre très complète de Sainte Thérèse, publiée par Monsieur l'abbé Migne, éditeur de la Bibliothèque universelle du clergé, ou des cours complets sur chaque branche de la science ecclésiastique. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Tome 1er. Il paraîtra peut-être assez inutile de donner au public une nouvelle vie de Sainte Thérèse, après qu'elle-même a pris soin d'en écrire une qui, depuis plusieurs années, est si purement traduite en notre langue. J'en ai jugé de la même manière quand on m'a proposé d'entreprendre celle-ci, mais, depuis que j'ai lu les différents auteurs espagnols, j'ai changé de sentiment. Il suffirait, pour autoriser la composition d'un autre ouvrage, de dire que celui de cette sainte n'est pas complet, car elle ne dit pas un mot des 14 dernières années qu'elle a vécues, et il est certain que, dans cet espace de temps, il lui est arrivé bien des choses capables d'exciter la curiosité des fidèles. Comme donc ni la traduction de Monsieur Arnaud d'Andilly, ni celle de Monsieur l'abbé Chanu ne nous apprennent rien de ces 14 années, puisqu'ils ne sont que les simples interprètes de la sainte, on ignore encore à cet égard tout ce qu'ils n'ont pu nous dire. Il est vrai que le livre de ses fondations est un supplément où l'on trouve plusieurs incidents remarquables qui ne sont pas dans sa vie, mais cela ne va pas encore jusqu'à la fin, et n'a point l'air d'une narration méthodique. Nous avons en vieux français une vie de Sainte Thérèse écrite en espagnol par le père Ribera, jésuite. J'avoue que c'est une histoire entière et conduite depuis sa naissance jusqu'à sa mort, mais, sans parler de la composition, qui est très peu conforme au goût d'aujourd'hui, le style de la traduction en est devenu si barbare, qu'il est malaisé de n'en pas souhaiter une autre. Cela n'empêche pourtant pas qu'on y rencontre des endroits assez curieux, et l'on s'en peut servir comme d'un ancien mémoire, car ce père est un des premiers auteurs et des mieux instruits sur ce qui regarde cette sainte. Outre ces raisons qui semblent assez essentielles pour faire désirer une nouvelle histoire, on peut encore ajouter que la manière dont Sainte Thérèse écrit la sienne embarrasse beaucoup la narration. Souvent elle s'arrête à des réflexions étrangères qui mettent trop de distance entre les événements, dont la liaison est si longtemps interrompue qu'on a peine à les rapprocher. Les digressions longues et réitérées rendent le récit languissant, et sont cause que l'on prend beaucoup moins de part à des faits qui ne se réunissent pas assez, et qui, faute d'être rapportées de suite, échappent à notre souvenir. Sainte Thérèse fut obligée d'écrire de cette sorte, parce qu'il était plus question de donner à connaître les dispositions de son âme que le cours des actions de sa vie. Ses confesseurs, pour qui elle écrivait, exigeaient d'elle détails fort étendus sur la nature, des grâces et des inspirations qu'elle recevait, et le soin qu'elle prend de les satisfaire avec exactitude la jette quelquefois tellement à l'écart, qu'elle ne sait pas elle-même comment reprendre le fil de son discours. Tout cela suppose une relation assez peu suivie. Mais, d'ailleurs, combien faut-il s'imaginer qu'elle a supprimé de circonstances qui donnaient trop de lustre à ses actions? Combien de faits ne pouvaient tourner qu'à son avantage? On est surpris d'en découvrir un si grand nombre dans les auteurs contemporains, dont quelques-uns l'ont pratiqué longtemps, et nous apprennent des particularités qu'il y aurait de l'injustice à taire et à retenir enveloppées sous les voiles du silence. Il faut donc revenir toujours aux historiens espagnols. L'abrégé latin du Père Jean de Jésus Maria, l'un des premiers carmes réformés, m'a été très utile pour mon dessin. Il est composé avec beaucoup d'ordre et d'agrément, et j'en ai tiré de grands secours. Mais les mémoires les plus amples et les plus sûres sont les annales des Carmes déchaussés, la vie que l'évêque de Terrassonne, Jacques Dieppe, religieux hiéronymite, écrivit très peu d'années après la mort de la sainte, qu'il avait fort connu, et qu'il conduisit même pendant quelque temps. Le premier de ses ouvrages, qui est l'Histoire générale de l'ordre, rapporte avec soin tout ce qu'on peut dire de plus certain de Sainte Thérèse, mais il est écrit avec tous les assaisonnements du langage espagnol, c'est-à-dire, avec des allégories continuelles, des métaphores peu judicieuses, des louanges insipides, et la vérité, pour ainsi parler, gémit sous ses ornements bizarres et mal assortis, en sorte qu'il la faut aller chercher sous ses amas de figures entassées pour la remettre en état de paraître au jour avec sa beauté simple et naturelle. L'évêque de Terrasson est tombé dans les mêmes inconvénients des écrivains de son pays, il ne laisse point au lecteur le plaisir de sentir naître leur admiration. On dirait qu'il se défie de leur jugement, tant il a soin de le prévenir, car à chaque événement il ajoute de magnifiques éloges, comme si la sainteté ne brillait pas assez au seul éclat des vertus. Cependant il faut demeurer d'accord que ces deux livres renferment bien de beaux traits capables d'enrichir une histoire. J'ai tâché d'en composer celle-ci, où l'on trouvera du moins rassemblés dans une même suite tous les faits qui donnent à connaître Sainte Thérèse sous son véritable caractère, sans rien omettre des circonstances qui l'ont rendue dans l'Église un des plus grands exemples de ces derniers temps. Au reste, ce n'est point ici la vie d'une religieuse retirée dans une cellule où rien ne la soustrait à la paisible contemplation des vérités éternelles. Elle eût été bien contente d'y passer tranquillement ses jours, et les grâces extraordinaires qu'elle y recevait dans la ferveur de ses oraisons ne lui donnaient pas beaucoup d'envie de chercher à se répandre parmi le monde. Mais la providence divine la destinait à beaucoup de travaux extérieurs qui devaient contribuer à la gloire de Jésus-Christ et à la sanctification des âmes. On ne doit pas s'étonner de voir une femme faible, et appelée à un état de vie solitaire, exposée néanmoins à tant d'occasions de se dissiper et à tant de courses et de voyages. Personne ne convenait mieux que cette sainte au dessein de Dieu pour travailler à l'étendue de son royaume. Les grandes connaissances qu'il lui avait données sur les biens de la vie future et sur la beauté de la justice firent naître dans son cœur ce zèle ardent qui la dévorait pour le salut du prochain. Les dons sublimes dont elle fut favorisée l'atteinrent toujours au-dessus des tentations qui s'élèvent au milieu du commerce du monde, quand on est obligé de s'y rencontrer. Ce sont ceux que Dieu destine à sanctifier et à convertir les autres qui doivent être auparavant les plus retirés dans la solitude, où l'on se munit des armes nécessaires pour combattre en sûreté contre les puissances des ténèbres. Et le ministère apostolique serait la vocation la plus périlleuse de toutes, si pour en remplir les fonctions Dieu choisissait des sujets que les lumières les plus vives de sa grâce et les expériences fréquentes de sa miséricorde n'auraient pas assez affermi contre les dangers et la corruption du siècle. C'est sur de tels fondements que Sainte Thérèse a été soutenue durant tous les travaux pénibles qui lui ont fait passer les dernières années de sa vie dans de si fatigantes agitations. Cela n'était pas assurément de son choix, elle s'en est expliquée souvent, mais les volontés divines ont toujours prévalu dans son cœur, et, quand il a fallu les accomplir, elle s'est toujours mise au dessus de ses propres penchants et des jugements des hommes, qui n'ont pas manqué d'attaquer sa conduite, parce qu'ils n'en reconnaissaient pas les principes. Ainsi, pour la justifier dans ses démarches, et pour faire en sorte qu'on puisse juger d'abord de la vocation de cette sainte que Dieu avait choisie pour être le sanctuaire de ses grâces les plus distinguées et l'instrument de tant d'œuvres éclatantes. Il ne sera pas hors de propos de donner une idée générale du caractère de ses vertus, on en sera plus susceptible de leur impression par les sentiments avantageux dont on aura pu se laisser prévenir. La plupart de ceux qui donnent la vie de quelques saints ont coutume de mettre à la fin de leur ouvrage un supplément où ils font l'éloge de chaque vertu séparément. J'avoue que je ne puis me soumettre à cette même méthode, et j'ai toujours pensé qu'après avoir conduit le récit des actions d'une personne jusqu'à sa mort, Le lecteur ne s'intéressait plus guère à ce qu'on lui eût rapporté au-delà, et qu'il est peu sensible à des traits de sainteté détachés des circonstances qui en font le prix et le mérite. Monsieur l'abbé Chanu, qui a traduit la vie de la sainte, fait un détail de ses vertus dans son épître dédicatoire aux carmélites de ce royaume. Ainsi, au lieu de mettre le panégyrique après l'histoire, j'ai cru le pouvoir placer auparavant, d'autant plus que ce qu'on rapporte ici n'aurait pu s'appliquer à des faits particuliers, ni se bien arranger dans le cours de la narration. Je ne serais pas entré dans ce détail, si l'on pouvait se dispenser de répondre aux préventions de quelques gens, qui, faute d'être assez instruits du caractère de Sainte Thérèse, ont osé dire qu'elle s'était trop témérairement engagée dans des entreprises étrangères à sa vocation et à son état, comme donc elle n'était pas seulement appelée aux simples exercices de la vie religieuse, mais à des travaux apostoliques. Nous essaierons de faire voir qu'il y eut dans ses vertus une force et une fermeté convenables aux emplois que Dieu lui avait destinés. Sa foi ne fut pas seulement inébranlable et sans atteinte, et ne se réduisit pas à des dispositions passives qui la tenaient soumise aux vérités révélées, pleines de reconnaissance et d'admiration pour un don si précieux, délicate sur la docilité due à toutes ses parties, armée d'un courage à toute épreuve pour les soutenir, fidèle aux plus légères pratiques de la religion, sensible au moindre souvenir de ces augustes mystères, qu'elle croyait d'autant plus fortement qu'elle les comprenait moins, mais elle était encore embrasée par le zèle d'en étendre la créance chez les nations les plus barbares. Ce fut l'objet qu'elle se proposa dans les divers établissements de ses couvents, pour engager les solitaires qu'elle rassemblait à demander à Dieu, par leurs oraisons et leurs pénitences, les lumières de la foi sur les peuples qui n'en étaient pas encore éclairés. Cette vertu n'était pas seulement vive et agissante dans ses écrits. Jamais la doctrine d'aucun théologien ne fut exposée à un examen plus rigoureux que les ouvrages de cette sainte. Bien loin d'éviter le jugement des gens habiles, dès qu'elle apprenait que quelques docteurs célèbres ne jugeaient pas d'elle avantageusement, elle allait trouver aussitôt pour s'éclaircir avec lui. Comme elle ne souhaitait rien tant que d'éviter les illusions, elle croyait ne pouvoir trouver de meilleurs conseils qu'auprès de ceux que de faux bruits avaient mal prévenus pour elle. Car elle regardait leurs sentiments comme les plus sincères et les plus dégagés de la flatterie. Tout ce qu'il y avait alors d'hommes savants dans l'ordre de Saint-Dominique, dans la Compagnie de Jésus, dans l'ordre de Saint-François, les plus illustres par leur lumière et par leur vertu, prononcèrent en sa faveur sur la nature de ses dispositions intérieures, et plusieurs d'entre eux, qui d'abord l'attaquaient dans sa doctrine, en devinrent par la suite les plus zélés défenseurs. Elle s'adressa toujours pour être éclaircie aux personnes les plus capables, son génie sublime ne s'accommodait de rien de médiocre en pareille matière, et tant de témoignages importants sont des preuves de la pureté et de la vivacité de sa foi. Nous ne prétendons pas exprimer quelle fut la violence de son amour pour Jésus-Christ, tout ce qu'on en publierait n'approcherait point de ce qu'on en voit dans ses livres. Si les actions sont des preuves de l'amour, on aura quelque idée du sien par le prodigieux nombre de ses difficiles entreprises, par sa fermeté dans les traverses et dans les obstacles, par son courage et par sa joie dans les souffrances, par sa patience dans les maladies. Elle mourait, pour ainsi dire, de langueur d'être obligée de vivre au milieu des nuages de son exil où la présence de l'époux céleste lui était cachée. Elle s'en plaignait tendrement à lui, et désirait ardemment la mort. Nul instant de ses journées n'était sans action, et ne ralentissait l'activité de ses mouvements. Elle n'eut pas comme les autres des heures marquées pour penser aux vérités divines, elle les y employait toutes, et elle n'y avait pas plus de vide dans son temps que dans son cœur. Quelquefois elle était tellement dévorée par ses désirs de voir Dieu, qu'on eût dit qu'elle allait expirer. Alors elle se retirait dans les lieux les plus écartés du monastère, Et quand on l'y découvrait, on la trouvait tout abîmée dans les transports de son amour, le commerce inévitable de la conversation, le boire, le manger, les négociations, les voyages, rien n'était capable de la distraire un moment. Quand le cœur est tout à Dieu, et que nul objet ne le divise, il n'a pas besoin de la solitude et du repos pour se soutenir. Ainsi c'est à des âmes remplies de ces sentiments qu'il appartient de paraître au milieu du monde, sans craindre que rien ne les y affaiblisse. Une autre disposition bien nécessaire pour se livrer sans dégoût à tous les exercices d'une vie apostolique, c'est la charité du prochain. Aussi celle de Sainte Thérèse fut-elle digne des desseins que le Seigneur avait sur elle. Ce fut cette vertu qui la fit tant de fois sortir de son monastère pour aller efficacement travailler, au salut des âmes qu'elle voyait périr. Elle en était si vivement enflammée, qu'elle enviait leur talent aux prédicateurs, aux théologiens, aux docteurs, et elle eût voulu être capable de remplir les fonctions de tous les apôtres pour gagner tous les hommes à Jésus-Christ. Ses prières ferventes ont souvent attiré la conversion des pécheurs, et délivré les âmes détenues dans les lieux où la justice divine les purifie. Elle visitait les malades avec une affection sans égale, et partageait entre eux tout ce qu'on lui donnait pour son propre soulagement. Elle témoignait une douceur prévenante à tous ceux qu'elle savait ne l'a pas aimé, et leur parlait avec des termes et des démonstrations de bonté qui souvent ont désarmé leur haine. Mais un des principaux motifs de ses fondations et de tant de peines qu'elle endura, fut l'envie de faire honorer Jésus-Christ au Saint-Sacrement, et d'élever, disait-elle, autant de sanctuaires qu'elle pourrait, où le Sauveur fut adoré sous les voiles eucharistiques. On sait avec quelle disposition elle prenait cette divine nourriture, et les effets qu'elle produisit dans son âme. Quelle confiance en Dieu n'exige point les travaux apostoliques, combien la sienne fut-elle parfaite, et que de preuves ne nous en fournira point son histoire. Il est bien nouveau de voir une femme seule, toujours infirme, toujours traversée et comme enchaînée, exposée à tant d'outrages, à la raillerie, à l'indigence, qui néanmoins est assez résolue pour ne jamais désespérer du succès de ses desseins malgré de continuels obstacles. Elle n'entreprit que des choses presque impossibles, et dans les divers établissements de ses monastères, surtout de ceux d'Avila, de Médine et de Séville, à peine avait-elle le premier argent pour commencer des ouvrages qui demandaient des sommes considérables. Mais sans s'amuser à réfléchir sur les moyens d'en trouver, elle s'assura toujours que tout lui viendrait des trésors de Jésus-Christ. Nulle adversité ne fut capable de l'abattre, elle ne craignit jamais que le péché, et sans rien avoir pour appuyer son espérance, elle espéra néanmoins toujours, dans le temps que, les magistrats d'une ville, les docteurs les plus vénérables, ses amis, ses parents, s'opposaient à ses desseins, dans le temps que le démon redoublait sa rage contre elle, que Dieu, pour éprouver sa constance, se cachait aux yeux de sa foi, elle eut toujours confiance que tout ce qu'elle avait entrepris réussirait. De quel courage n'eut-elle pas besoin en une infinité d'occasions, et quel témoignage n'en donna-t-elle pas? L'éclat de cette vertu consistant à ne point s'arrêter à rien de médiocre, et à chercher en chaque chose ce qu'il y a de grand, personne ne peut lui disputer d'avoir excellé en ce genre. Jamais elle n'eut que des vastes projets, et n'imagina rien de faible ni de borné. Dès les plus tendres années de l'enfance on vit en elle cette disposition. Lorsque les difficultés venaient l'accabler, et quand le faux zèle de ses ennemis fut près de renverser tous ses premiers établissements, loin de s'abandonner aux pleurs et aux regrets, et de donner des marques de faiblesse, elle fut la première à consoler les autres et à les encourager. Durant les périls et les fatigues de ses voyages, elle les ranimait et les réjouissait même quelquefois. Quelle fermeté n'y avait-il pas à s'aller hardiment présenter à ceux qu'elle savait être prévenus contre elle, sans être effrayés par leur condamnation et par leur critique. Comme les heureux succès et la grande réputation sont les pièges les plus dangereux qu'on puisse tendre à l'humilité, si celle de Sainte Thérèse n'eût été bien établie, que serait-elle devenue? Aussi c'était pour s'y maintenir qu'elle s'accusait de ses fautes avec exagération. Rien ne lui faisait plus de peine que de se voir honorée. Elle eût souhaité pouvoir se soustraire à la vue de ceux qui s'apercevaient de ses bonnes œuvres, et s'aller cacher dans quelque endroit où elle eût été inconnue. Il lui est quelquefois arrivé de demeurer du temps en des lieux où elle remarquait qu'on avait peu d'estime pour elle, comme elle le témoignait un jour à son confesseur en lui écrivant. Et quand elle se réjouissait ainsi d'être connue dans ses imperfections, elle croyait se réjouir de la vérité. Elle avait accoutumé de dire qu'elle s'étonnait comment on pouvait s'arrêter à ce qu'elle faisait et à ce qu'elle disait, tant elle se croyait indigne d'attirer la moindre attention. Lorsqu'un fit courir à Séville tant de bruits faux et désavantageux à son innocence, « Je rends grâce à Dieu, dit-elle, de ce qu'on me connaît mieux ici que partout ailleurs. » Dans ces humiliations monastiques, qui semble quelquefois si peu de choses aux gens du siècle, parce qu'ils ne voient pas les ressorts du cœur qui leur donnent le mouvement, elle excellait par ses motifs et par ses manières. Déjà fort avancée en âge, elle avait coutume de consulter de jeunes religieuses, de rendre les plus humiliants services, de porter pour elle les fardeaux les plus pesants, de leur demander pardon s'il lui échappait quelques paroles un peu dures, de se tenir abaissée devant les différentes prieurs qu'elle rencontrait dans les villes où elle passait, sans examiner ni leur capacité ni leur talent, de se prosterner dans le réfectoire, de dire tout haut ses fautes, et de n'en point apporter d'excuses si on l'en reprenait. Jamais elle ne fut, dit-elle, tentée de vaine gloire et n'eut à se confesser de rien qui eût rapport à ce vice. Dès sa première jeunesse elle fut attaquée de diverses maladies, et n'en fut guère exempte tant qu'elle vécut, mais elle ne retardèrent jamais ni ses affaires ni ses entreprises, et elle les souffrit avec une force extraordinaire. Quoiqu'elle en ait peut-être souffert de plus longue et de plus cruelle que personne, elle assure que pendant 40 ans elle n'avait point passé de jour sans endurer quelque douleur. Si tout ce qu'elle souffrit d'incommodité dans ses courses différentes mit sa patience à tant d'épreuves, les mauvaises humeurs des antres, les médisances, les jalousies, les outrages ne furent pas plus capables de l'ébranler. Les fatigues de ses voyages et les rigueurs des saisons, qui lui étaient fort sensibles, ne lui servirent jamais de prétexte pour diminuer ses austérités ni pour les suspendre. Et il est surprenant qu'une personne si faible est presque toujours en marche ou mal est en effet de si excessive. Il faut dans un genre de vie comme celui où elle était appelée être beaucoup au-dessus des inconvénients de la pauvreté, car on s'y trouve souvent réduit, aussi l'amour de cette vertu fut-il en elle très agissant. Les expériences qu'elle en fit dans les divers établissements de ces monastères sont des preuves bien remarquables du détachement où elle était de toutes sortes de commodités. Pour satisfaire à tant de divers besoins qui la pressaient, elle fut si attachée au travail qu'à peine avait-elle du temps pour reposer. Elle se réjouissait dans les alarmes de l'indigence autant qu'un avare dans l'abondance de ses richesses. On peut juger de quelle obéissance elle eut besoin en une infinité de rencontres. Elle la pratiqua dans les choses où son inclination était le plus opposée, sans examiner ni le mérite des personnes ni leurs raisons. On verra dans sa vie de quel caractère était sa reconnaissance, et l'on ne trouvera peut-être jamais une âme plus violemment touchée par ce sentiment. Le plus petit service qu'elle recevait ne sortait point de son souvenir, et les moindres bienfaits lui étaient toujours présents. Mais quelle doit avoir été la prudence d'une personne engagée dans des négociations si épineuses? Jamais on ne la vit prendre des fausses mesures dans toute sa conduite, surtout dans le gouvernement de ses monastères. Elle ne prescrivait rien à ses religieuses avec aigreur, et les déterminait sans nulle violence à faire tout ce qu'elles voulaient. Quand il était question de les corriger de leurs manquements, elles savaient ménager et proportionner les rigueurs de la pénitence sans les accabler. Elle aimait autant les coupables qu'elle haïssait les fautes, et de la manière dont elle les reprenait, jamais elle ne s'attira la moindre aversion. Elle examinait avec discernement la différence des esprits, pardonnait volontiers aux mélancoliques, mais ne leur souffrait rien de mal à propos. Elle affectionnait beaucoup les religieuses ferventes et soumises, et conservait de la fermeté pour les tièdes et les indociles. Quand il fallait admettre une postulante, elle s'arrêtait moins à sa piété qu'au bon esprit. On lui en demanda quelquefois la raison, et elle répondait que la piété pouvait s'acquérir dans le cloître, mais que la tremble de l'esprit ne pouvait changer. Elle trouvait pour l'ordinaire les filles de petit génie peu capables de s'exercer à la vertu, et très nuisibles aux antres par leur entêtement. Si parmi ces religieuses il y en avait quelques-unes qui reçussent dans l'oraison des grâces non communes, elle les obligeait de consulter sur cela d'habiles théologiens qu'elles consultaient aussi elles-mêmes. Car elle voulut toujours être bien éclairée sur ces sortes de choses, non seulement ce qui la regardait, mais aussi celle que la Providence divine avait commise à ses soins. Voilà de quelle manière le Seigneur l'avait préparée pour exécuter ses ordres, et l'on doit convenir que des vertus de ce caractère la rendaient très propre au dessein de Dieu, soutenaient en elle les principes de sa vocation, et la mettaient en état, durant ses occupations extérieures, de vaincre le monde avec tout ce qu'il peut avoir ou de terrible, ou de séduisant, ou d'agréable. Comme l'on n'a que trop de penchant à fonder son opposition à la pratique des vertus chrétiennes sur l'impossibilité d'atteindre à la perfection des saints, que l'on s'autorise à ne pas imiter quand leurs actions paraissent trop au-dessus des efforts ordinaires de la nature, on se propose, dans cet ouvrage, de donner une vie qui pût servir de modèle, de sorte qu'il ne faut pas s'attendre à voir ici Sainte Thérèse dans des ravissements fréquents et dans de continuelles extases. On a même évité de la représenter sous ses idées, et sans prétendre combattre la réalité de ses dons excellents, dont la vérité n'est point révoquée en doute par ceux qui savent ce que peut l'amour d'un Dieu tout puissant sur une âme où il veut répandre ses délices, on a cru qu'il ne fallait pas montrer cette sainte connue l'objet d'une admiration stérile, mais plutôt exposer la grandeur de son courage et la pureté de ses vertus à l'imitation des âmes ferventes. Cependant il n'a pas été possible, et même il y aurait eu de l'injustice de retrancher tout ce qui a rapport à ces grâces choisies que la sainte a reçues en une si grande abondance, mais on en a parlé modérément. Il faut pourtant convenir que tout ce qu'on a supprimé de ces divines opérations qui l'ont si fort distingué entre tous les autres saints, est reconnu pour très solide par les docteurs les plus opposés à ces sortes de choses. Tous les théologiens ont toujours déclaré que ses dispositions et ses enseignements sur ces matières ne renferment que des vérités hors d'atteinte, on n'en admet point, et l'on n'en soutient point d'autres dans tout son ordre. En vain les faux mystiques modernes ont voulu mettre leurs dogmes insensés à l'abri de la doctrine de cette sainte, une nourriture céleste, comme l'appelle l'Église, ne souffre point de mélange et de corruption. Et pour me servir des paroles d'un grand orateur de nos jours, le père de la rue, dans un panégyrique de Sainte Thérèse, jamais le manteau de Thérèse et de ses enfants ne couvrit des erreurs condamnées. Il serait donc à souhaiter que la plupart des hommes fussent plus disposés à croire la vérité de ces communications mystérieuses, et qu'en faisant une histoire on ne fût pas obligé de se gêner jusqu'à ménager la délicatesse de certains critiques peu éclairés, mais comme on écrit pour l'utilité générale de tous les fidèles, et que, suivant les règles de la sagesse et les maximes des saints oracles, il faut proportionner les vérités à l'intelligence humaine, Il est de la prudence de ne pas exposer le langage du divin amour à l'insulte des profanes et au mépris de ceux qui condamnent et blasphèment tout ce qu'ils ignorent, et qui, devenus semblables à des animaux sans raison, corrompent tellement leur esprit, qu'ils ne connaissent rien que par le seul instinct de la nature. Les dons spirituels seront toujours inintelligibles aux hommes charnels, ainsi, loin de familiariser indiscrètement ces mystères, il faut souvent n'en rien dire. Mais si l'on n'en parle que sobrement, c'est par respect pour ces dons sublimes, et nullement pour le goût de pareilles critiques, qui n'est rien moins que respectable. D'ailleurs, il n'est pas donné à tous de démêler avec précision les diverses subtilités de ces opérations de la grâce, il est aisé d'y prendre le change, et de confondre ce qui les mystiques abusés ont écrit de faux et de vain sur ces matières, avec ce que sainte Thérèse en a dit de vrai et de solide. Semblables méprises ne sont pas sans exemple, et elle les appréhendait si fort, qu'en beaucoup d'endroits de ses ouvrages elle recommande qu'on les lise avec précaution, et ne permet pas à toutes sortes de personnes de les lire. Enfin, ce qui m'a encore déterminé dans User ainsi, c'est que j'ai cru devoir me faire justice à moi-même, et reconnaître mon insuffisance. Il faut des mains habiles pour loucher à des choses si délicates, et les développer judicieusement. Thérèse seule est capable de les traiter avec toute la justesse et toute la dignité qui leur convient, et j'avoue sans peine que l'entreprise est au-dessus de mes forces et de mes lumières. Voilà les raisons qui nous ont obligés de rapporter si peu de choses des états si extraordinaires de la sainte, quoique nous en soyons plus persuadés que personne, malgré qu'on y peut opposer. Nous regardons ces âmes privilégiées comme les prophètes du Nouveau Testament, à qui Dieu révèle encore aujourd'hui ses plus secrets mystères, comme il les révélait à ceux de l'Ancien, car prophétiser n'est pas seulement prédire, mais voir, connaître, pénétrer et approfondir ce qui est inconnu au commun des chrétiens. Il y aura donc toujours des prophètes en Israël, l'esprit de Jésus sera l'esprit de prophétie, et l'esprit de prophétie sera le témoignage de Jésus. Mais comme cet esprit de prophétie a de tout temps été l'objet de la raillerie du monde corrompu, on se moque en nos jours des nouveaux prophètes, comme on se moquait des anciens, qui pour cela n'en étaient ni moins éclairés de Dieu, ni moins respectables dans leur vision prophétique, à comparer celle d'Isaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel, de l'Apocalypse, avec celle de sainte Thérèse, que découvre-t-on dans celle-ci qu'on ne découvre pareillement dans les autres que nous faisons profession de croire, que ne trouve-t-on pas dans les visions du pasteur, livre d'Herma, de sainte Perpétue, de saint Cyprien, et de tant d'autres que tous les siècles et tous les pères de l'Église ont respectés. Il serait inutile, pour appuyer davantage la vérité de ces révélations, d'ajouter quelque chose aux autorités que nous venons de rapporter, néanmoins examinons un peu les raisons de ceux qui les combattent, et les causes de leur résistance à les croire. Ils sont tellement accoutumés à ne faire jamais abstraction des sens dans leurs idées, qu'ils ne sauraient comprendre qu'on puisse entendre ou voir quelque chose sans l'entremise des oreilles et des yeux. Voir un objet immédiatement par l'esprit, entendre une voix intérieure, rien ne leur paraît plus chimérique ordinairement que ces façons de parler. Cependant rien n'est plus réel. Les sensations de la vue et de l'ouïe ne sont que des figures et des images de la vue et de l'ouïe spirituelle. Les sens ne sont que des instruments et des organes pour former certaines impressions dans l'âme, et ne sont nullement les causes d'une infinité d'opérations intellectuelles, indépendantes du ministère de l'ouïe et des yeux. Avoir dans l'esprit une idée fixe, claire et distincte de quelque objet, c'est le voir. Pensez actuellement à quelques principes sûrs, à quelques maximes certaines, c'est entendre la vérité. Le nom ne fait rien à la chose, si cela n'est pas ainsi appelé par le commun des hommes, s'ils ont sur cela d'autres notions, Il n'en est pas moins vrai que l'âme voit et entend immédiatement par elle-même. Il n'est pas nécessaire, pour admettre ces opérations purement intellectuelles, de nous renvoyer à sa manière d'agir après la mort. Dès cette vie même elle opère souvent ainsi, et l'expérience nous apprend combien les spéculations métaphysiques, poussées jusqu'à quelque excès, sont capables d'arrêter l'action des sens. Pourquoi donc les opérations intellectuelles qui ont la religion pour principe, et qui sont soutenues et même prévenues par un secours surnaturel, ne seront-elles pas indépendantes de l'entremise des organes sensibles, ce qui rend les opérations purement spirituelles si difficiles à croire pour certaines personnes? C'est qu'elle ne juge de l'action de l'esprit que par ses rapports avec les sens, mais cela ne le met point essentiellement dans leur dépendance. Les sentiments de notre âme ne sont attachés aux organes du corps en certaines choses que par l'institution divine qu'il a ainsi ordonnée, et nullement par des relations nécessaires des organes aux sentiments. Rien n'est plus opposé que la nature des uns et des autres. Bien loin que l'entremise des sens soit nécessaire à l'âme pour agir, plus ils ont de part à son opération, plus ils l'affaiblissent et la dégradent. Car toute action des sens met l'âme dans la servitude et la dépendance, et lui ôterait quelque chose de sa noblesse et de sa vivacité. Les assujettissements du corps resserrent ses connaissances et bornent l'étendue de ses lumières, dès qu'elle agit indépendamment, et que ses idées et ses perceptions sont immédiates, elle a toute une autre force, et ce serait bien mal connaître l'essence de l'âme, que de regarder comme des chimères ses opérations les plus vives et les plus réelles. Les causes de l'incrédulité de la plupart des gens sur ces matières naissent donc d'un renversement d'idées, on attribue tout au corps, et presque rien à l'âme, et c'est néanmoins tout le contraire, car, selon la véritable idée des choses, on peut dire qu'en un sens tout appartient à l'esprit. C'est lui qui voit, et non pas les yeux, c'est lui qui entend, et non pas les oreilles. L'âme dépend du ministère des sens dans les opérations sensibles, mais n'en a que faire dans les opérations intellectuelles, comme nous avons dit. Or, tout étant de ce genre à l'égard de ce qui nous met en commerce avec Dieu, et les sens ne pouvant atteindre à ce qui est purement intellectuel, c'est sans eux qu'elle entend et qu'elle voit. Car toutes les opérations de l'intelligence se réduisent à voir et à entendre, puisque c'est entendre que d'avoir dans l'esprit une vérité, et que c'est voir que d'avoir une idée vive et distincte. Au reste, il ne faut pas croire qu'il n'y ait que les objets de notre intelligence qui puissent nous donner des perceptions et des idées indépendamment des sens. Je dis même que les objets sensibles qui peuvent être présents à l'esprit sans le ministère des organes extérieurs ne rendent pas ces opérations moins réelles. C'est une erreur de penser que tout ce qui s'imprime dans l'esprit par l'entremise de l'imagination est chimérique. L'imagination, à proprement parler, est le réservoir des images que les objets ont imprimées ou peuvent imprimer dans l'uni par les sens, mais elle y ajoute souvent beaucoup, elle les spiritualise, elle les perfectionne, et même les perpétue, pour ainsi dire, car sans employer davantage le ministère des organes extérieurs, l'âme se les peut représenter une infinité de fois, quoiqu'elle n'en ait reçu qu'une seule fois l'impression par les sens. L'imagination en elle-même est une modification de l'âme, et peut être cause occasionnelle ou en bien ou en mal. Dieu l'emploie comme il veut, et de la manière qu'il emploie les sens extérieurs, pour donner à l'âme l'impression des objets, il est le maître d'en tirer des images et des idées, comme de tirer de la mémoire les souvenirs. Si ces souvenirs et ces images n'ont rien que de conforme, la vérité, et représentent à l'âme quelques mystères de la religion, ou quelques maximes de l'écriture, je ne vois pas pourquoi l'on peut appeler cela des chimères et des fantômes sans réalité. Ce n'est pas l'extérieur et le sensible de l'opération qui la réalise, c'est l'impression qu'elle fait sur l'âme. L'imagination n'est en elle-même ni bonne ni mauvaise, mais quoiqu'elle ne juge de rien et ne désire rien, elle peut être à l'entendement une occasion de bien ou mal juger, et à la volonté une occasion de désirer ou bien ou mal, soit que l'erreur ou la vérité la mette en mouvement, soit que la cupidité ou la charité la fasse agir. Tout ceci supposé, qui doute qu'une âme juste et chérie de Dieu par une préférence distinguée, ne puisse avoir avec lui des communications intimes qui remplissent son esprit d'idées si pures et de vérités si certaines, qu'elle voit et qu'elle entend bien des choses que les hommes plongés dans les sens ne sont pas capables de voir ni d'entendre. Sous quelle autre notion cette âme peut-elle faire connaître ses vérités et ses idées, quand elle s'en explique, qu'en disant qu'elle voit et qu'elle entend, lorsque, par exemple, l'humanité de Jésus-Christ est représentée à l'esprit dans quelque état et dans quelque circonstance de la vie du Sauveur, si l'impression de cette idée est bien vive et bien profonde, et que l'âme en soit tout occupée, pense, tait-elle seulement alors si les sens y ont part ou non, et peut-elle dire autrement, sinon qu'elle a vu l'humanité de Jésus-Christ sous telle ou telle forme, Saint Paul, tout éclairé qu'il était, en parlant de son ravissement en ciel, dit qu'il ne sait si cela s'est fait ou dans son corps, ou sans son corps, lorsque l'idée de l'enfer, du paradis, de quelques attributs de Dieu s'imprime bien vivement dans une âme, peut-elle sur cela s'expliquer d'une autre façon qu'en disant qu'elle a vu l'enfer, le paradis, les perfections divines? Il ne s'agit pas de savoir si cette idée est juste et répond exactement à la vérité de ce qu'elle représente, il suffit que ce soit la manière dont Dieu juge à propos de l'éclairer sur ce sujet. Ainsi dès qu'il est certain que ces choses sont possibles, toutes les objections se réduisent à dire que ce qu'on appelle vision et voix intérieure n'est le plus souvent dans telles et telles personnes que des fantômes et des chimères, c'est-à-dire des idées vaguées sans fondement, ou des paroles purement imaginées. Je sais qu'à l'égard de bien des gens faibles qui s'attribuent ces sortes de grâces dont nous parlons, il peut entrer de l'illusion dans leurs pensées, et que sans parler des surprises de l'orgueil, une imagination trop forte et trop dominante est la source de bien des prestiges. Mais les mauvaises conséquences ne doivent pas détruire les bons principes. Quand on a de vraies raisons pour s'assurer de la sagesse d'un esprit, et quand, après bien des preuves, on a reconnu dans quelqu'un l'uniformité de la conduite, l'humilité des sentiments, le règlement des passions, la pureté des mœurs, je ne vois pas pourquoi l'on refuserait de donner créance à ces dons privilégiés que Dieu accorde à quelques âmes choisies. Le peu d'expérience qu'en a le commun des fidèles, le peu de facilité pour les expliquer, le peu de pénétration pour les comprendre, tout cela ne doit pas, ce me semble, engager à les nier. Ainsi, lorsque nous lisons en temps d'endroit de la vie et des écrits de Sainte Thérèse, qu'elle a vu Jésus-Christ de telle et telle manière, que Dieu lui a dit intérieurement telles et telles paroles, je ne fais nulle difficulté d'y ajouter foi. Parce que je crois donner à son discours l'interprétation convenable, et que d'ailleurs je suis convaincu de la solidité d'esprit et de la sincérité de cette sainte. Enfin, une des causes les plus ordinaires de toutes les objections qu'on forme sur ces sortes de sujets, c'est le peu d'idées qu'on a de la divinité, dont on ignore la manière d'agir sur les âmes. Et je ne puis mieux soutenir cette raison que par les paroles éloquentes d'un grand prélat de notre France. La plupart des hommes, dit-il, ne connaissent Dieu que comme je ne sais quoi de merveilleux, d'obscur et d'éloigné de nous. On ne le regarde que comme un être puissant et sévère qui demande beaucoup de nous, qui gêne nos inclinations, qui nous menace de grands maux, et contre le jugement duquel il faut se précautionner. Quand on dit aux hommes de chercher Dieu dans leur propre cœur, c'est leur proposer de l'aller chercher dans les terres les plus inconnues, car qu'y a-t-il de plus inconnu pour eux que le fond de leur propre cœur, et que ce sanctuaire impénétrable de l'âme, Ou Dieu veut qu'on l'adore en esprit et en vérité, comment entendrait-il les vérités célestes, puisque les vérités terrestres, dit Jésus-Christ, ne peuvent se faire sentir à eux. Tout disparaît comme une ombre aux yeux de celui qui a vu Dieu une fois au fond de son âme. C'est Dieu qui fait tout, qui donne tout, qui règle tout, et le monde ne le voit point, mais celui qui ne le voit point n'a jamais rien vu, et passe sa vie dans les illusions d'un songe. C'est dans le saint tendre et paternel du Seigneur que nous l'oublions, c'est par la douceur de ses dons que nous cessons de penser à lui. Ce qu'il nous donne à tout moment, au lieu de nous attendrir et de nous enlever, nous amuse. Il est la source de tous les plaisirs, les créatures n'en sont que les canaux grossiers, et le canal nous fait compter pour rien la source. Cet amour immense nous poursuit partout, et nous échappons toujours à ses poursuites. Il est partout, et nous ne le voyons en aucun endroit, nous croyons être seuls dès que nous n'avons que lui. Il fait tout, et nous ne comptons sur lui en rien, et même nous croyons tout désespérés quand nous n'avons plus d'autres ressources que sa providence, comme si l'amour infini et tout-puissant ne pouvait rien. Saint Augustin en chérit encore sur tout cela dans une de ses lettres, où il veut prouver que ce que nous voyons par l'intelligence a plus d'être et de vérité que tout ce que les yeux nous découvrent. Cette pensée ramenait la lumière et la joie dans son âme, et la dégageait des nuages où les soins et les affaires l'avaient souvent enveloppée. Lors, dit-il, que pour me renouveler, je rappelle ce grand principe, et qu'après avoir imploré le secours de Dieu, je commence à m'élever vers lui et vers ce qui est solidement vrai. Cette vue anticipée des choses permanentes me remplit tellement l'esprit, que je suis étonné quelquefois de me voir obligé de recourir au raisonnement pour me persuader de l'existence de ce qui nous environne, et qui nous est aussi présent que nous. Même, on ne peut exprimer plus vivement ce qu'il y a de force et de réalité dans les opérations d'une intelligence épurée.